L'affliction, entrée dans cette âme si calme, si pure, si noble, était un spectacle désolant. La baronne ne pouvait que sentir et cacher à son beau-frère, avec l'adresse des femmes, toute l'affreuse vérité. Pendant cette désastreuse matinée, le maréchal, qui dormait peu comme tous les vieillards, avait obtenu de Lisbeth des aveux sur la situation de son frère, en lui promettant de l'épouser pour prix de son indiscrétion. Chacun comprendra le plaisir qu'eut la vieille fille à se laisser arracher des confidences que depuis son entrée au logis elle voulait faire à son futur, car elle consolidait ainsi son mariage. « Votre frère est incurable !» criait Lisbeth dans la bonne oreille du maréchal. La voix fort et claire de la Lorraine lui permettait de causer avec le vieillard. Elle fatiguait ses poumons, tant elle tenait à démontrer à son futur qu'il ne serait jamais sourd avec elle. « Il a eu 3 maîtresses, disait le vieillard, et il avait une Adeline. Pauvre Adeline !»« Si vous voulez m'écouter, cria Lisbeth, vous profiterez de votre intelligence auprès du prince de Wissembourg pour obtenir à ma cousine une place honorable. Elle en aura besoin, car le traitement du baron est engagé pour 3 ans. « Je vais aller au ministère, répondit-il, voir le maréchal, savoir ce qu'il pense de mon frère et lui demander son active protection pour ma sœur. Trouvez une place digne d'elle. Les dames de charité de Paris ont formé des associations de bienfaisance, d'accord avec l'archevêque. Elles ont besoin d'inspectrices honorablement rétribuées, employées à reconnaître les vrais besoins. De telles fonctions conviendraient à ma chère Adeline. Elle serait selon son cœur. « Envoyez demander les chevaux, dit le maréchal. Je vais m'habiller. J'irai, s'il le faut, à Neuilly. » « Comme il l'aime, je la trouverai donc toujours et partout, dit la Lorraine.